Bonjour, ici Valérie Levé au micro de CKRL 89A et c'est l'heure d'un petit tour dans le monde de la science avec Futur Simple. Le monde de la science est un vaste monde avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays à découvrir. Et aujourd'hui, à 18h30, eh bien, nous ferons un petit détour, on va dire, touristico-scientifique. Nous découvrirons les parcs du Nunavik avec Rachel Guindon. Mais pour le moment, nous prenons la route du domaine de la santé pour mieux comprendre la sclérose en plaques. Pourquoi c'est difficile de guérir cette maladie et pourquoi c'est difficile de développer un traitement pour guérir la sclérose en plaques? Alors, on va découvrir tout ça avec Maxime Cusick. Il est étudiant au doctorat au laboratoire de Steve Lacroix au département de médecine moléculaire à l'Université Laval. Bonjour Maxime. Bonjour Valérie. C'est un plaisir de t'avoir à nouveau au micro de Futur Simple pour parler de la sclérose en plaques. Ce n'est pas tout à fait la première fois que tu nous en parles, mais je crois que c'est bien de nous rappeler un petit peu quelle est cette maladie, à quoi ça ressemble. Oui, exactement, c'est vrai, ça fait quelques chroniques là, que je change de sujet. Donc, la sclérose en plaques, je vais l'expliquer brièvement. Alors, c'est une maladie qui va être neurodégénérative. Mais si je tiens à faire une distinction claire entre la sclérose en plaques puis des maladies comme l'Alzheimer puis le Parkinson, par exemple, qui sont aussi des maladies neurodégénératives, mais la sclérose en plaques, sa cause, ça va vraiment être les cellules immunitaires du patient qui vont se retourner contre lui, puis aller attaquer ce qu'on appelle la gaine de myéline, donc qui est une espèce là, de couche de lipides, de gras, qui va recouvrir les neurones du système nerveux central et qui va faciliter un peu la transmission de signal. Alors que l'Alzheimer et le Parkinson, c'est plutôt des neurones qui vont mourir à cause d'une accumulation de protéines. Donc, la sclérose en plaques, ce qui va la caractériser, en fait, ben, c'est vraiment le rôle de ces cellules immunitaires-là qui vont, dans un premier temps, là, se dégrader tranquillement, pas vite, la myéline. Ça va rendre le signal plus difficile à se transmettre et ça va causer des symptômes. Donc, surtout de fatigue, mais aussi de la paralysie, des symptômes, par exemple, un peu plus psychologiques, des pertes de mémoire ou encore des problèmes à marcher, des troubles émotionnels, tout ça. Bref, tout ce qui touche le système nerveux central. Parce que tu dis, cette gaine de myéline, elle entoure, là, c'est comme une enveloppe, une gaine qui entoure les neurones, mais aussi les nerfs qui vont dans les membres. Oui, dans le fond, ça, donc la gaine de myéline, elle va être autant au niveau du système nerveux central qu'au système du nerveux périphérique, donc tout ce qui est nos bras, nos jambes. Mais dans le contexte de la sclérose en plaques, c'est vraiment uniquement la gaine de myéline du système nerveux central là, qui va être touchée. D'accord. C'est une petite précision. Alors, donc maintenant, on voit mieux ce que c'est cette maladie, la sclérose en plaques, par rapport aux autres maladies neurodégénératives. Et la question qu'on a forcément, est-ce qu'il existe des traitements contre la sclérose en plaques? Alors oui, il y a plusieurs traitements qui vont freiner la progression de la maladie. Donc c'est pour cela justement que c'est vraiment important de comprendre que la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est immunitaire ou auto-immune. Et ça va donc être là, des traitements qui vont beaucoup cibler les cellules immunitaires. Donc, il y a plusieurs types de traitements qui vont avoir une efficacité faible, modérée ou très élevée. Mais un traitement d'efficacité élevée va aussi avoir un effet secondaire là, d'immunosuppression. Ah, ben oui. Pourquoi? Parce que c'est des médicaments, par exemple, qui vont enlever là, tout, par exemple, les lymphocytes B, des patients, donc les lymphocytes B, là, c'est des cellules qui vont produire les anticorps. On en a beaucoup entendu parler dans le temps de COVID. Les anticorps, c'est ça qui va aller, par exemple, sur les virus pour l'inactiver ou dans le cas de la sclérose en plaques, ça peut aider à cette réponse-là qui n'est pas normale, en fait. Donc, on va vouloir enlever ces cellules-là, mais en l'occurrence, on va rendre les patients comme immunosupprimés, donc avec une partie là, de leur système immunitaire qui est plus fonctionnelle. Puis, est-ce que ces traitements empêchent le développement de nouveaux symptômes? Est-ce que on voit les inconvénients parce que les patients deviennent immunosupprimés, mais est-ce que ça bloque quand même les symptômes suffisamment? Oui, tout à fait. Les traitements les plus puissants vont, vont empêcher, dans le fond, c'est ça le but, c'est d'empêcher une nouvelle attaque, puisque la sclérose en plaques, dans la plupart des cas, ça va être une maladie, comme on va avoir une attaque, après ça, les cellules vont s'en aller, on va avoir un peu de réparation, ensuite, une autre attaque va revenir. Donc, le but, c'est d'empêcher ces nouvelles attaques-là. Mm-hmm. Et oui, en effet, là, Valérie, ces traitements-là vont empêcher le plus possible les cellules de recommencer l'action qui n'est pas correcte dans le fond. Mm-hmm. Mais on n'arrive pas à renverser les dommages causés en amont, par contre. On empêche des nouvelles arrivées de la maladie, mais on peut pas réparer ce qui a été démoli. Ouais, exactement ça. C'est surtout ça le problème, là, justement. Donc, tous les traitements qu'on a vont cibler des cellules immunitaires, parce que c'est elles qui causent le dommage, mais ultimement, dans la maladie, ce qui arrive, c'est que c'est la gaine de myéline et, à plus long terme, là, c'est les neurones qui sont endommagés. Et on n'a malheureusement pas encore de traitement pour cibler ces cellules-là. Pourquoi? Il y a trois principales raisons. D'abord, c'est que les traitements, comme je disais, ça agit pas sur un mécanisme qu'on a dans notre corps. Là, je suis désolé, c'est un mot plus complexe, mais c'est la rémyélinisation. Donc ça, c'est un terme compliqué pour dire, dans le fond, que les cellules du système nerveux central, ben, elles vont refaire la myéline en temps normal autour des cellules. C'est un processus là, qui va arriver, qui arrive là, un peu tout le temps, mais dans le contexte de la sclérose en plaques, par exemple, c'est un processus qu'on aimerait ça pouvoir aider, mais les médicaments là, qui existent actuellement contre cette maladie-là ne sont pas en mesure d'aider le processus de réémyélinisation. Mm-hmm. Ils vont juste empêcher qu'on détruise la myéline davantage. Ouais. Donc ça, c'est une première raison. Il y a une deuxième raison, puis c'est que la sclérose en plaques, c'est une maladie qui va beaucoup évoluer. Donc j'avais dit tantôt que la sclérose en plaques, là, la plupart du temps, quand cette maladie-là, c'est une maladie là, qui va venir comme par vague. C'est ce qu'on appelle poussée-rémission. Donc, on va avoir une attaque, une poussée. Les cellules immunitaires vont entrer dans le système nerveux central. Elles vont se mettre à attaquer la gaine de myéline. On va avoir là, des dommages qui sont causés. Puis, une manière, cette réaction-là, elle va se résorber. Puis, on va rentrer dans une phase qu'on appelle de rémission, de réparation. C'est à ce moment-là, justement, que la rémyélinisation a lieu. C'est là qu'on va essayer là, de réparer le plus possible les dégâts, mais des fois, il y a des dégâts qui se font, puis qui vont jamais vraiment pouvoir être réparés. Puis, par contre, ce qui arrive, c'est que à mesure que le temps progresse, la maladie va être modifiée. Ça ne sera plus là, un processus comme ça là, de vague. Ça va être, la sclérose en plaques va se transformer en une maladie qu'on va appeler secondaire progressive. Donc, sclérose en plaques secondaire progressive. Et là, ce qui arrive, c'est que on a eu trop de dommages, par exemple, dans le système nerveux central. Et là, on va avoir une dégradation qui est continue. Sans avoir des nouvelles cellules qui entrent, ça va juste se mettre à se dégrader progressivement. Puis, pour ça, malheureusement, on n'a pas encore là, de traitements qui sont efficaces pour ralentir cette dégradation-là progressive. Mm-hmm. Donc ça, c'est la deuxième raison. Puis la troisième raison, bien, c'est que d'habitude, quand on arrive pour consulter, on se rend compte, oh, puis il y a quelque chose qui ne marche pas, bien, il y a déjà eu un petit dommage qui a été causé, tu sais, un dommage suffisant pour qu'on s'en rende compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et vu que, comme tu l'as dit, tantôt, on ne peut pas reculer, revenir en arrière, bien, dès qu'on commence les traitements, on a déjà une partie des dommages qui a été fait, puis qu'on peut, là, la plupart du temps, pas vraiment récupérer. Donc là, de ce que tu viens de dire, c'est que la remyélinisation, je pense que je l'ai lu, la remyélinisation, semble une étape clé pour guérir la sclérose en plaques. Comment ça marche, cette remyélinisation? Oui, exactement. Donc, c'est vraiment ce qui est le nerf de la guerre là, pour le moment. Trouver une façon de reconstruire la gaine de myéline autour des axones quand elle a été là, dégradée par le système immunitaire. Donc, cette gaine de myéline-là, dans le système nerveux central, donc le cerveau, la moelle épinière, bien, elle est formée par une cellule qu'on appelle un oligodendrocyte. Donc, un oligodendrocyte, en fait, elle va avoir comme des longs bras qui vont venir s'entourer autour des neurones. Et ça va faire, dans le fond, la myéline. Mmh. La myéline, ça sert, oui, à faciliter la transmission de l'influx nerveux Dans l'axone, si on pense à un fil électrique, par exemple, notre axone, ça serait le petit fil de cuivre, puis la myéline, ça serait le petit caoutchouc qu'on met autour. Ça, on sait, quand ce caoutchouc-là se défait, des fois, le signal passe tout croche. Mais c'est un peu la même chose là, pour nos axones. On veut avoir une belle gaine de myéline. Puis, ça va aussi protéger notre axone. Donc, pour y myéliniser, par exemple, on a eu une attaque, on a eu une dégradation de la myéline, des dommages, bien, cette myéline-là, elle ne disparaît pas. Tu sais, ça va faire des débris autour de l'axone. Fait qu'un peu comme un bâtiment qui s'écroule, si on veut le reconstruire, ben d'abord, on va enlever les débris, on va rendre notre terrain beau et plat, puis ensuite, on va reconstruire, en fait, notre myéline. Fait qu'on va avoir besoin ici de deux étapes. Donc, d'abord, on va avoir et des cellules immunitaires et une cellule qu'on appelle la microglie. Ça, c'est une autre cellule, encore une autre cellule qui est dans notre système nerveux central. Puis elle, ça va être... Alors, quand on la voit au microscope, c'est un peu comme une araignée. Elle va avoir plein de bras. Donc, elle va vraiment là, regarder autour d'elle s'il y a des débris. Elle va les prendre. Elle va les engloutir, dans le fond, pour les faire disparaître. Même chose, il y a des cellules immunitaires qui vont venir aider pour ça. Puis une fois qu'on s'est débarrassé des débris, bien là, on va avoir besoin de nos oligodendrocytes. Fait qu'eux, on a, dans notre cerveau, dans le fond, des bébés oligodendrocytes. En termes scientifiques, là, c'est ce qu'on dit des progéniteurs. Donc ça, c'est des cellules qui sont un peu précieuses parce qu'elles vont justement aller au site où on a besoin d'elles. Et là, elles vont se transformer, évoluer en fait en oligodendrocytes, donc adultes ou matures, qui eux là, vont permettre de reconstruire la myéline une fois qu'on a bien réparé la zone. Donc c'est tout un processus avec plusieurs ouvriers, plusieurs... Exactement, beaucoup de cellules en rôle. Ouais, c'est ça. Ouais, il irrite notre cerveau. Et j'imagine alors que lors de la sclérose en plaques, donc ces cellules n'arrivent plus à effectuer leur travail correctement. Donc les microglies, les dendrocytes, elles n'arrivent plus à faire, c'est mal orchestré, elles n'arrivent plus à faire leur travail comme il faut. Oui, c'est exact. Ben là, on l'a vu justement dans cette dernière question-là, on a beaucoup de cellules en jeu. Donc, dans le contexte de la sclérose en plaques, ben, on va avoir là, beaucoup de cellules qui vont être affectées. Encore une fois, on a identifié là, ici trois raisons. On s'entend, il y en a beaucoup plus, mais pour le cadre de la chronique, je me suis concentré sur celle-ci. Donc, je vous avais dit en entrée de jeu que quand on a un dommage, quand on a des débris de myéline, ben on va vouloir aller les retirer. Mais là, je vous avais dit qu'on a besoin, justement, les cellules immunitaires. Les cellules immunitaires, là, elles peuvent venir aider dans ce processus-là. Mais le problème dans le contexte de la sclérose en plaques, c'est que les cellules immunitaires, dans le fond, elles sont la cause de la maladie. Donc, elles vont avoir un profil qu'on va appeler pro-inflammatoire. Donc, elles vont être plus comme en faveur de destruction, de causer du dégât, comme en mode attaque, au lieu d'être en plus sur la défensive. Donc, et d'avoir un rôle là, qui est plutôt axé sur la réparation, puis la résolution de l'inflammation. Et aussi, je vous avais dit en entrée de jeu que les principaux traitements contre la sclérose en plaques, ben, ils vont rendre les patients immunosupprimés. Donc, on va empêcher une partie de leur système immunitaire de jouer leur rôle. Donc ça, il y aurait des études à faire là-dessus davantage pour voir est-ce que en enlevant des cellules immunitaires clés, comme qui vont venir là, orchestrer tout ça, ben, est-ce qu'on a un impact sur la rémyélinisation? Donc ça, là, c'est des choses sur lesquelles les scientifiques vont devoir se pencher. Et tout ça, ça fait une première raison. Et il y a une deuxième raison. Et là, vous n'allez pas m'aimer, je vais encore rajouter un autre acteur, une autre là, cellule qui est dans notre système nerveux central. Il s'agit en fait des astrocytes. Donc, je vais résumer un peu. Là, tu sais, souvent, dans notre cerveau, on a les neurones qu'on connaît bien, qui transmettent l'information. Là, aujourd'hui, j'ai parlé des oligodendrocytes qui viennent former la gaine de myéline autour là, des neurones en s'entourant autour des axones. Les microglies qui sont comme des patrouilleurs, comme des petites araignées qui vont fouiller autour d'elles, trouver les débris. Puis nos fameux astrocytes, ça c'est des cellules qui vont, dans le fond, ils vont s'assurer que tout est beau, que les cellules, elles ont tous les nutriments dont elles ont besoin pour bien pousser. Elles vont aussi là, contrôler qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort du système nerveux central. Mais dans le contexte de la sclérose en plaques, ces cellules-là, elles vont devenir réactives. Donc, elles vont sécréter plein de molécules, donc des protéines, des lipides et même ce qu'on appelle des espèces réactives d'oxygène. Puis tout ça, ben, c'est toxique pour les oligodendrocytes et ça va les tuer. Donc, en l'occurrence, si nos oligodendrocytes ben, sont endommagés, voire tués par les astrocytes pendant une phase d'attaque, ben là, on se rend compte qu'on n'a plus les constructeurs dont on a besoin pour venir réparer la myéline correctement. Et puis aussi, on a vu que les oligodendrocytes, ils sont meilleurs pour réparer un axone lorsqu'il est intact, mais à force d'attaquer la gaine de myéline, ben notre neurone va devenir abîmé, fait que ça va être encore le plus dur pour les oligodendrocytes de le réparer. Et enfin, ben en ayant plein d'attaques dans le système nerveux central, en effectuant plein de changements de cellules qui deviennent réactives, de cellules qui vont avoir là, un profil comme pour attaquer, ben ça va sécréter plein de molécules différentes. Puis ça peut même empêcher nos bébés oligodendrocytes, donc les oligodendrocytes progéniteurs, de migrer là où on a besoin d'elles pour qu'elles jouent leur rôle. Mais est-ce que malgré tout, il y a quand même de l'espoir de trouver un jour des médicaments pour permettre cette remyélinisation des axones? De l'espoir, il y en a toujours, parce que moi, ça me fascine de voir à quel point ce que le domaine de la sclérose en plaques a évolué. V'là 30 ans, on n'avait pratiquement rien pour combattre cette maladie-là. Aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de médicaments qui vont cibler, bien entendu, certes, le système immunitaire, mais il y a des progrès qui ont été fulgurants dans ce milieu-là. C'est sûr que la science, elle a beaucoup de défis avant d'arriver là. Par exemple, aujourd'hui, je vous ai parlé de plein de raisons différentes de pourquoi la réminimalisation, elle est difficile. Mais si on veut un traitement, nécessairement, il faut identifier une cible, il faut identifier un mécanisme sur lequel on veut agir. Mais en ce moment, il y a tellement de choses. Il y a la migration des oligodendrocytes, il y a des cellules, des protéines, pardon, qui sont relâchées. Donc, on va avoir besoin de meilleurs modèles. Par exemple, des modèles animaux en science ou même des meilleures méthodes d'analyse chez les animaux et chez l'humain pour être capable d'identifier des processus qui vont venir, t'sais, qui vont être importants, qu'on pourrait cibler. Parce que pour l'instant, on Mais n'a pas bien, on ne cerne pas tous les processus à l'œuvre dans le développement de la maladie ou le déclenchement de la maladie. je dirais que c'est difficile d'avoir tout en même temps. Donc, par exemple, un des modèles animaux les plus utilisés. Ben, on va en gros donner une nourriture à la souris qui va tuer les oligodendrocytes. Puis après, en fait, on lui enlève cette nourriture-là pour lui redonner une nourriture normale. Puis les oligodendrocytes, ils vont revenir, ils vont remyéliniser les neurones. Donc, on peut, là, par exemple, aller voir dans le cerveau de ces souris-là à différents moments à quel point est-ce que la remyélinisation se fait bien en donnant, par exemple, différentes drogues, différents. Je sais pas moi, en modifiant des gènes, mais dans ce contexte-là, par exemple, on n'a pas d'inflammation ou on a des modèles plus inflammatoires, mais là, la remyélinisation, des fois, se fait pas très bien ou c'est difficile de prévoir à quel endroit il va se refaire. Donc, quand nous, on cherche au microscope dans le cerveau, un cerveau, c'est pas très gros, mais vu au microscope, ça fait quand même beaucoup de sections à regarder. Donc, c'est plus difficile de trouver, par exemple, exactement quelle zone d'intérêt. Donc, le problème, c'est qu'on a des modèles qui vont étudier par exemple, une section de la réminimalisation, mais il faudrait être capable de l'avoir dans son ensemble, à mon avis, pour identifier un traitement, être capable d'intégrer tout ça. Par contre, il faut savoir qu'avec le raffinement des modèles animaux, on s'en vient de mieux en mieux avec les thérapies géniques. On a de plus en plus d'outils à notre disposition, puis même l'intelligence artificielle qui serait capable, par exemple, de regarder par exemple, quand les patients se présentent en clinique, ils prennent des IRM, donc des photos de leur cerveau. Mais si on a une intelligence artificielle, par exemple, qui est capable d'intégrer des centaines de milliers d'images et d'identifier des patterns dans ces images-là, ben peut-être qu'on serait capable d'identifier des mécanismes qui ont lieu chez l'humain et trouver là, une façon de les cibler pour aider les patients à avoir une meilleure immunisation. Mais j'ai également dit en terminant qu'il y a des médicaments qui sont faits pour ça, puis qui sont là en phase clinique d'essai, qui C'est ont un encourageant. exactement, qui ont un effet certes modeste pour l'instant, mais comparé à rien, ou par exemple comparé à un traitement qui empêche l'apparition de symptômes et un traitement qui est capable d'aider jusqu'à un certain niveau, ben déjà là, on est sur la bonne voie là, pour trouver un médicament qui serait capable de combler tout ça. Mais en tout cas, on voit que les mécanismes moléculaires et cellulaires sont quand même complexes hein, dans cette maladie-là et d'autres, en fait. Et on comprend que c'est compliqué de trouver un traitement. Mais au moins, il y a des pistes de recherche. Exactement. Il y a beaucoup de pistes de recherche. Et en fait, on dirait qu'il y en a de plus en plus des pistes de recherche, en fait. Exactement. Parce qu'il y a de nouveaux moyens d'observation. Là, tu as cité, par exemple, l'intelligence artificielle. Il y a 10 ans, on n'y pensait pas forcément à scruter des lames de microscope ou autre avec l'intelligence artificielle. Donc, tout ça va nous donner espoir. Et voilà, ça y en a, c'est sûr. Voilà. Ben, merci beaucoup, Maxime, pour cette plongée dans le monde de la sclérose en plaques. Merci. Ça m'a fait plaisir, un grand merci. Nous étions avec Maxime Cussy, qui est étudiant au doctorat au laboratoire de Steve Lacroix au département de médecine moléculaire de l'Université Laval.